Enfin, le second titre du futur album ou futur EP de Dry Can est arrivé. J'espère que le présage est bon. Après le Let's Do It sorti il y a quelques semaines, Evil Eye précède The Grip, que votre serviteur a déjà en boutique, mais qu'il ne peut vous servir pour le moment. Alors en attendant, merci Anne, merci Dry Can, Let's Do It. La semaine passée, nous avons été les premiers à vous envoyer le tout nouveau Raskolnikov. Mais comme quand on aime, on ne compte pas, le voici à nouveau, I Wore It My Fury. Merci Matze. Drowns down. Shoot all the trails down. Southern rains, battles of nerves. Southern rains, battles of nerves. Why all the struggle? We will just coast. Bearing in depravity, dying with memory. You're such in a hurry to look for one to save me. At last, far away from the hustle, untie me from the mask and break free from gravity. I'm right free from gravity. Slave as your enemy, queen of all fury, where have you been? Where have you been? Where have you been? Where have you been? Avant de se faire un très vieux titre des Sparks qui, à leur époque, à leur grande époque, invitait un duo français que vous connaissez, on continue avec des nouveautés. Le 27 février, Archive sortira Glass Minds, qui sera leur 13e œuvre. Alors en attendant, voici la piste 8 de ce futur album City Walls par Archive. Well, you broke the shell and then found yourself in another field, in another place, in another world, where the buildings rise tall as anything. They're surrounded by all the places where you could die. But we're always trapped in the city walls. We're always caught within the city walls, looking in. Looking in, but I'm here with you in the city walls, and they can't hurt us within the city walls. 'Cause if they do, if they do, they lose. We embrace the dirt, celebrate the hurt, till we find a way to a different every day. And we will drown walls till the city falls, and we stay in place, cause there's nowhere else we know. Trapped in the city walls, we're always caught within the city walls. Looking in, looking in. But I'm here with you in the city walls, and they can't hurt us within the city walls. If they do, cause if they do, Il est clair que la scène rock est toujours bien vivace, même si aujourd'hui, pour écouter du rock, il faut aller dans de toutes petites salles ou alors plus simple, et surtout beaucoup moins cher, écouter Pop & Rock sur la très locale RVR. Ouais, des inconnus dans nos programmations, on a l'habitude. Ce soir, c'est Blackness, un trio parisien qui secoue tous nos neurones. Vous aimez ? Alors attendez le 27 février pour profiter de Broad Vision, leur troisième album capté à Louisville, au fin fond du Kentucky, ça ne s'invente pas. Mais comme on n'a pas d'autres titres des Blackness, ce soir, on se console avec d'autres Français découverts la semaine passée. Ferry Road, les amoureux de l'Interceptor, chantent Rusty Nail and I Say Yeah. I see you. L'Irlande a accouché de beaucoup de talents et entre autres U2, mais cela fait quand même quelques temps. L'Irlande est plus récemment à l'origine des reconnus Fontaines D.C. et des bien moins connus mais aussi talentueux Clockworks. Et bien ce soir, voici Cardinals, parrainé par Brian Chetten des susnommés Fontaines D.C. His mouth with my gun. Split the sea, I know what's done is done. How long? How long? Ain't got nothing else to do. His world as it is fun. Called his dad, I told him what I'd done. How Sinon, dans les années 80, il n'y avait pas que U2 qui venait d'Irlande, il y avait aussi ce petit truc. Johnny, black as hell. Au travers des 349 premiers pop and rock, les pseudos de groupes les plus étranges nous sont apparus. Parmi eux furent les Last Shadows Puppets, Doofy Miles Kane pour nous offrir Sunlight in the Shadows, et en piste 1, le plus connu Love is Cruel. Midlake à l'instant pour vous dire qu'on les a loupés lors de leur passage unique en France à l'Alhambra de Paris. Alors pour se consoler, les revoici avec The Girls. La scène musicale rock est tellement dense qu'on se demande comment les DJ et programmateurs de concerts continuent de nous infliger des choses aussi insipides que lors des dernières victoires de la musique. Il est une époque où 16 et Noir Désir crachaient leur rock sur les scènes victoriennes et musicales. Mais ça, c'était avant. France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour

Lors de ce qui était approche, mais l'envie de gratter est toujours là, et ce qui arrive à présent est, comment dire, allez, décalé. En 1993, une icône romantique que je découvre ce soir, Marie-France, invitait Marc Almonde. Rien de transcendant, oh, mais il y a quand même Marc Almonde qui chante dans le titre qui arrive. Toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À vous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'était éternel. À quoi ça sert? Mais quand tout est fini, il ne nous reste rien que le monde se chagrin. Tous ceux qui maintenant te semblent déchirants, demain sera pour toi un souvenir de joie. Ensemble si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Allez, rendez-vous lundi prochain, 17h au 104.6. Sur ce, je vous dis ho ho, bon vent à tous!